Voilà. Alors là, c'est un peu le pic de la soirée. Nous atteignons le climax de la soirée avec la chronique compression. Compression. Alors ce soir, sans froid. Alors, bah, on explique le principe de la chronique compression ou pas ? On explique quand même le principe de la chronique. Le principe de la chronique compression, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à subir ce genre de locution. Tout le monde doit en prendre dans la gueule. Complètement pénible. Tu as du mal à dormir ? Il est plus de minuit. Écoute la chronique compression. Sans froid, cette semaine, tu nous parles du nouveau Fab Filter. C'est parti, tu as 2 minutes pour nous comprimer le cerveau. À la base, je me suis dit que faire un espèce de moment un peu technique dans une émission de radio, ça pouvait être super chiant. C'est ça qu'on veut. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, on manquait tous un peu de technique. Et notamment dans la vie, on manque souvent de compression. Un des gros problèmes, c'est des écarts de dynamique. Gérer la dynamique, quand on doit le faire à la main, c'est vraiment souvent un problème. Alors que quand on a les outils adéquats et qu'on est prêt pour toute situation, quand on connaît son matériel, quand on peut allier à la fois réflexion et action... La compression. Plus de chiffres, plus de trucs relous là. Alors ça c'était un peu pour vous expliquer pourquoi la chronique. Ensuite, quand on va passer aux chiffres relous, comme le dit le maître, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être 2 jours après la sortie d'un nouveau outil que nous tous, les amoureux du son, nous avons aujourd'hui sous la main, le Fab Filter Compresseur Pro Q3, qui est un EQ dynamique avec une bande de fréquence complètement hallucinante. Dynamique, qu'est-ce que ça veut dire dynamique sans froid, s'il te plaît, pour un compresseur ? C'est une logorée, il s'occupe tout seul. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que là, en fait, on n'est même plus vraiment que dans la minute compression, vu qu'on est dans un monde où tout se mélange. On est avec un EQ dynamique, c'est-à-dire qu'on a à la fois accès à nos différentes bandes de fréquences, mais on peut ensuite avoir accès à un ratio indépendant. On peut aussi gérer le mid-side, le compression. On a une visualisation polytrack avec un Smart EQ Matching qui nous permet encore de faire des fréquences repérées grâce au nouvel algorithme et un affichage multibande qui sont les atouts essentiels de cet outil qui nous permettra, grâce à ça, vous le verrez dans le futur, de vous proposer une solution adéquate à toutes vos situations. Quelque chose ne va pas dans votre vie ? Peut-être que FabFilter a la situation, la solution à tous vos problèmes. Hein ? Un petit coup de compression devant, un petit coup de compression derrière, souvent peuvent être la solution. Ça peut arranger ta vie, mais bizarrement pas le son de groupe fantôme. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah alors ensuite, ce sont des outils tellement puissants qu'il faut une maîtrise, la maîtrise et le savoir. Donc, quand tout ça sont associés à une vie de con et une consommation de drogue excessive, bah forcément, tu te rends bien compte qu'à la fin, t'as beau faire le malin à dire plein de termes techniques et compagnie, et quand il s'agit d'être devant le truc, t'es comme tout le monde. T'as envie de reprendre une bière, t'as envie de rallumer un truc, puis c'est ce que tu fais. Et donc au final, t'es là avec tous les copains, tu les saoules. Donc moi, j'ai décidé de plus saouler mes copains, j'ai décidé de saouler les auditeurs. Donc maintenant, je vais tourner 7 fois ma langue dans ma bouche devant les copains. Je ne le ferai pas devant vous. Et donc, sans froid, dis-nous, pour illustrer un peu tes propos sur la technique du son, je crois que tu avais un groupe à nous proposer, à nous soumettre. Comme c'était un peu la minute intello, on s'était dit qu'on mettrait un petit Venetian Snare, Can't Vote for Yourself. Alors là, attention, morceau pourquoi génial. Pourquoi tu mets, oui. Je t'en prie, si t'as une petite remarque. Non, mais pourquoi tu le mets ? Allez, laisse-le parler, le coup pas comme ça, merde. C'est presque un copain, enfin, je l'ai vu une fois en concert, le mec. c'est du synthé modulaire, le gars est complètement génial. Donc, ça compresse pas vraiment, mais il sait qu'il a pas besoin, il est bien comme il faut en avant. Enfin, il fait le gain à la main, tu vois. Ouais, c'est le type, quand il règle son débit, merci, ta gueule sans froid, c'est bien, il fait le gain à la main, on s'en branle max. Tu peux balancer le son, Benny. Ouais, vous êtes des Ok les bois. Alors bon, voilà, un peu de Venetian Snare pour le côté technique, ça nous fait plaisir. Groupe Fantôme, c'est des bois, mais pas que des bois. On s'intéresse aussi à la mode, le maître, il me semble. Mais oui, bien sûr. Et là me venait tout de suite en observant, tu sais, les gens qui m'entourent. Je me dis, ok, c'est vintage. On met des suites, c'est les années 80. C'est dommage, j'ai perdu mon LC Waikiki de l'époque. Ah, dommage. Sinon, je l'aurais grave ressorti. Et il est collector, celui-là. Vu. Donc, je vois des gens en suite. Et je me dis, ils arrivent quand même à être un peu stylés comme ça. Je vois plusieurs pistes. Est-ce que le col sur le suite, est-ce que ça se fait? Quel genre d'imprimé? Et donc, je pose la question directement à une experte qui est ici avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, comment déjà, agrémenter beaucoup, son suite? Parce que j'ai l'impression que sur cette radio, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de bouffe. On a parlé beaucoup de politique, on a parlé de tous les styles musicaux différents, mais on a oublié les sujets importants. Et l'important, c'est la mode. Voilà. Une petite chronique mode, enfin, qui arrive sur les ondes. Et toute la voilà. journée, on m'a dit, mais Angèle, mais c'est quoi ce look magnifique? Mais c'est quoi ce sweat sublime, sérigraphié maison? On a tout fait, on a fait le cadre. Qui ne l'a pas remarqué, d'ailleurs? Ah, merde, maison, je suis dégoûtée. Je voulais te demander où est-ce que tu l'as acheté pour aller tout de suite m'en acheter un. Vous n'aurez pas le même. Je crois même que le cadre a été dégravé. Oh. Là, on est sur du modèle unique. Le suite de foire à tout, un peu trop grand, uni, que ensuite vous sérigraphiez vous-même. Et deuxième question qu'on m'a posée, c'est du coup, pourquoi t'as un suite en mode t'es tranquille, c'est dimanche, mais tu mets quand même le petit col dessous? C'est là que je me dis qu'il y a quand même une valeur ajoutée qu'on peut mettre sur un suite. Et c'est là où nos auditeurs ont certainement du mal à se rendre compte de l'impact du col sur le pull. Col de chemise sur le pull. Du col western. Col western. Alors, peux-tu nous expliquer, Angèle, un peu d'où est venue cette idée? Est-ce que c'est la mode américaine, une initiative personnelle, la Fashion Week de Paris ou tout simplement le Black Friday qui t'a poussé à acheter une chemise? beaucoup de propositions. Bah voilà, le petit col en décalage avec le gros suite, moi ça me semblait évident, je me suis même pas posé la question, mais on m'a soufflé à droite tout à l'heure le côté mode et psychanalyse. Est-ce que c'est pas en lien avec la mode vestimentaire de tes parents? Est-ce que tu subis pas inconsciemment Mais oui, mais on parlait de Carlos tout à l'heure et de Françoise Dolto, donc on est une émission entière sera consacrée à ce sujet. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que du coup, en réfléchissant, je me suis dit, mon père n'a que deux tenues, celle de la journée en costume-cravate, père classe, un peu trop chic, et celle de quand il rentre à la maison avec son vieux jean et son t-shirt Pink Floyd. Est-ce que je ne serais pas en train justement de réaliser la magique union de ces deux styles? Serait-ce une projection? Je crois qu'on a aussi une invitée particulière ce soir pour parler de mode. Bah, justement, tu parlais de... d'héritage familial, de rapport psychologique à la famille. Et c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, je porte un pull, donc à col montant, roulé un peu noir. Très, très à la mode. Voilà. Beaucoup. Très mignon, très mignon. Très mignon. Il met en valeur mon côté tanné. Et il se trouve que ce pull... Comment t'as dit? Tanné, oui. Ce tanned en anglais. C'est un adjectif peu commun, mais on peut l'utiliser ce soir. Bref. Et il se trouve que ce pull appartenait à Madame Élise Sancel, qui était ma grand-mère. Voilà. Donc, peut-on y voir le fait de ne pas pouvoir couper le cordon? Quand tu dis Sancel, c'était son nom de famille? Oui. D'accord. Je pense qu'elle consommait du poivre, par contre. À la fin, je l'avais connue poivre et sel. Voilà. Sinon, j'apprécie beaucoup ta petite touche du col, effectivement. Oui, la petite chemise sur le pull, c'est validé. Je pense que c'est une mode qui va être importée directement et qui va faire fureur en 2019. Pour rentrer encore dans la subtilité des détails de ton style, Angèle, je suis un adepte du retroussage de pantalon, mais je n'ose pas, je n'avais encore jamais vu et jamais même imaginé. Le retroussage de manches de sweat. Peux-tu nous parler de plus de ce que tu arbores, s'il te plaît? Jusqu'à quel niveau de l'avant-bras, quoi, peut-on se permettre? Alors, il faut qu'on voit un petit peu le poignet, parce que le poignet, c'est un atout charme, apparemment. Hein. Je l'ai lu dans Elle Magazine. et donc, je vous rappelle que c'est un sweat bien trop grand, que mon ami Willy a trouvé sur une foire à tout 5 minutes avant de me le sérigraphier, et il n'y avait plus que ça. Donc, c'est devenu un atout mode, mais à la base, c'était quand même le hasard et la flemme et le retard de nos activités qui revient à chaque fois. C'est un peu loose, on peut dire. C'est très loose. Comme quoi, la loose fait le style. Eh bien, Melette, eh bien, Michel. Mais tout ça m'inspire. Tout ça m'inspire et je ne pense qu'à l'éternel retour de... quel philosophe, Benny, aide-moi. Un philosophe, l'éternel retour. Enfin bon, bref, on s'en fout. T'as vu Vintage, les suites, le pull de la grand-mère de notre invité. Enfin, là, j'ai une larme coule sur ma joue. Et du coup, est-ce que. La chemise de sang-froid. La chemise. Alors, on parlera après des mecs, parce qu'il n'y a pas de raison quand même. La chronique mode continuera après sur le style vestimentaire des mecs ici présents. Chacun d'entre eux, ouais. Mais entre-temps, on va essayer d'illustrer un peu cette idée de l'éternel retour. De on, avec un son qui nous fait penser comme une madeleine de Proust, quelque chose qui nous ramène à nos premiers émois musicaux. Mais effectivement, quelque chose qui revient sans cesse comme une ritournelle punk dans ta tête, quelque chose qui t'invite à l'énervement musical. Alors, moi j'ai une petite préférence pour un groupe là, parce que tu m'en parles justement. Donc il y a un groupe allemand, on aime bien les Allemands, surtout après 45. Oui. Un groupe qui s'appelle Auxhaus. Donc Auxhaus. Ah, pourtant, ça fait un peu 39 là, quand tu le dis. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? À 3. Auxhaus. Voilà, merci. Donc ce groupe s'appelle Auxhaus. Le morceau s'appelle Rust of Deutschland. Et c'est pour vous, c'est en direct. C'est Radio Crochet. Eat my big wings! Ouais les copains, c'est toujours Gros Fantôme. Un pour tous, tous bourrins. On passe du coq à l'âne, on se met un petit princesse Nokia. Excellente. Oh, oh, oh. Come on, motherfucker. Ambitions and accolades, what did you gon' do today? How did you gon' spend your day? I work hard, I'm getting paid. My schedule was full today, I'm bout to go all the way. I set off and hit the stage, ready to go do my thing. Well baby, my day was good, I worked hard and knocked on wood. I skipped meals and got no sleep, but this was the life for me. You working is destiny, you working is destiny. You working is destiny, you working is destiny. No, I like to cook. Yeah. Chefing in that kitchen, I don't need no cook. Cook, cook, cook. You know I like to cook. Yeah. Chefing in that kitchen, I don't need no cook. Cook, cook, cook. You know I like to cook. Chefing in that kitchen, I don't need no cook. Cook, cook, cook. You know I like to cook. Like chefing in that kitchen, I don't need no cook. Go ahead, bitch, go do your thing. You perfect in every way. You move fast when others say. You make moves and play the game. Miss D, I'm a ready queen. I put that on everything. My mama, she raised me good. I'm chic, but I'm always hood. My manners impeccable. I'm always respectable. There's eloquence in my feet. I practice but never preach. My name is Miss Destiny. I go hard in everything. I bring out the best in me and do what is best for me. I'm excellent, my melanin heaven sent. Got all of my haters bent, they gagging, I'm still content. Cook, cook, you know I like to cook. Chefing in that kitchen, I don't need no cook. Cook, cook, cook, you know I like to cook. Chefing in that kitchen, I don't need no cook. Cook, cook, cook, you know I like to cook. Chefing in that kitchen, I don't need no cook. Cook, cook. You know I like to cook. Let's shut it in the kitchen. I don't need no cookbook. Il y a pas la blague à deux, la blague à deux là. Et on est en live sur Web Radio. Ah merde, Crochet. Oh merde. Attends, mais... Bon, on va peut-être se resservir un petit godet quand même. Oui, c'est vrai. Parce que bon, soif. Là. Je m'en surfais un en four pendant que vous êtes allé fumer. Tu vois, le mec se sert tout seul, mais ne servirait pas les autres. Quoi. Le mec t'en a rien à foutre. Nous sommes en direct sur Web Radio Crochet, les amis. Le marathon de l'extrême. Ça fait combien de temps d'antenne là, dis-moi, Benny? Attends, faut que je compte. On est loin là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça mec, compte en live. 17 heures. 17 heures. 17 heures, putain. Je suis assis sur cette chaise. Comment ? Benny, c'est bien. Ce matin. Oui, depuis. Contrairement à Nicolas qui est parti dormir. Est-ce qu'on a contacté le livre des records quand même ? Spécial dédicace à Nicolas. Il y a des dédicaces à tous ceux qui dorment. Mais le livre des records dit quoi sur l'émission de radio la plus longue de l'histoire ? Je crois que c'est 35 ans, on n'est pas sur les bases. Putain, on est loin, on est loin. Le livre des records, il dit. Moi, j'avais cru qu'il disait qu'il faut prendre de la drogue pour tenir. Benny, 17 heures sur la chaise, il prend pas de drogue. Tu crois que Benny, il a pas pris de drogue? On m'aurait menti, quoi. On m'aurait menti. Je suis sûr qu'il a pris du Schweppes ou une connerie comme ça. Alors, ne fais pas croire qu'il s'est pas drogué. Il a pas besoin avec un si beau t-shirt. Et donc, il va pouvoir nous parler, parce qu'en termes d'imprimé, on vous a pas dit, mais l'imprimé du suite de la première partie, juste avant le morceau, c'est un imprimé. C'est beau, il y a une phrase, je sais pas si on a le droit de le dire, c'est. Peux-tu nous parler un peu de ton t-shirt, Benny? Mais le t-shirt de Benny, pareil, il y a une phrase, il y a un truc, il y a un message. Quel message? Pourquoi l'as-tu choisi? Alors, ce t-shirt, donc, il y a écrit nihilisme, mais avec une typo qui peut faire penser un peu à un jeu de voiture, quelque part. C'est ça que ça m'évoque. Je me le suis procuré sur le site qui s'appelle Nihilist Meme. Et c'est là-dessus que je vais pour m'acheter de nombreux t-shirts, notamment mon t-shirt Ennui. Et j'ai un autre t-shirt encore qui est assez cool, c'est, je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire des Tide Pods. Les Tide Pods, c'est une marque de petites capsules liquides pour faire la lessive en fait. Oui. Et il y a énormément, il y avait un petit challenge aux États-Unis qui consistait à manger ces capsules, à déguster ces petites capsules. Oh my god. Merde. Oh, et sauf que ces capsules évidemment c'est pas comestible et donc il y avait plein de gens qui faisaient des grosses intoxications et des grosses histoires. Des gens qui sont, je crois même que des gens sont morts. C'était début fin 2017, début 2018, donc c'était clairement une année où mourir est devenu cool. Donc voilà, merci Lil Peep. Ouais. Hein. Mais ils sont morts en sentant bon quand même, du coup. Voilà, ils sentaient bon de la bouche. Je suis pas d'accord. Et l'estomac nettoyé. Ça, dans du Sprite, ça a vraiment un goût dégueulasse. Il a goûté. C'est un survivant. Bon, alors, ce qui m'intriguait beaucoup, c'était pourquoi le nihilisme comme une ligne d'arrivée. Parce qu'il y a. Il a pas expliqué la ton fin, t-shirt, ton c'est t-shirt. Un damier. Ouais, mais il était déjà passé un autre il t-shirt. Laisse-le parler. Il enchaîne. Il enchaîne. Mais donc, je reviens au premier. Alors, nihilisme, ligne d'arrivée, parce que son drapeau, c'est au final un drapeau à damier et nihilisme. Ouais. C'est quoi le. Comment. Pourquoi Un des objectifs, c'est principalement d'interroger. En fait, d'interroger l'autre et c'est de se retrouver dans cette situation-là, comme ce soir. C'est juste, ça a pour but finalement de poser des questions et d'amener à des interactions pour pouvoir discuter peut-être de choses un petit peu plus profondes. C'est un peu un t-shirt miroir, quoi, qui te renvoie ses propres. C'est une sorte de grand point d'interrogation. T'as parlé d'interactions plus profondes. Oui, tu peux développer. Le t-shirt ennui, il fait beaucoup plus jaser, a priori, d'après ce que tu m'as dit. C'est vrai, j'ai aussi un t-shirt ennui et je me suis fait embrouiller plusieurs fois, puisque pour plusieurs personnes, l'ennui, c'est un peu une sorte de sentiment un peu petit bourgeois. Il faut avoir du temps à perdre pour s'ennuyer. Quand on est prolo ou de basse classe, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On est tellement épuisé après le travail qu'on est censé s'écrouler. Voilà. Moi je suis prolo, je travaille en nuit et ça me va. Enfin, je trouve que c'est plutôt des conditions difficiles, je comprends pas du tout. Voilà, le prolo, voilà. Explique-nous ton style. Quel est le rapport entre ce bonnet vénézuélien et cette chemise à carreaux qui semble venir tout droit des années 90, peut-être début 2000 bon. 90% de mes habits m'ont été donnés, la plupart au moment de l'adolescence où tous les copains ont grandi, pas moi, donc ils avaient plein d'habits qui ne leur allaient pas, j'ai accumulé dans les fins 90 des fringues que je mets encore. Next. Bon là, après cette chronique mode. Non, elle n'est pas finie la chronique mode. Ah oui, le mec il veut farter. Bon alors Deon, raconte-nous ton nouveau style qui est un peu une forme de pas de style, j'ai envie de dire. Tout à fait, bien écoute, j'ai eu envie de me mettre au style qu'on appelle métrosexuel. c'est-à-dire mi-homme, mi-femme, tout simplement. Non, je crois pas, c'est pas ça ton style, tu mytho, grave. Mais moi j'ai pas vraiment de style en fait, je m'habille avec ce que je trouve. C'est vrai qu'hier j'ai été m'acheter des pantalons. Et oui, j'ai été m'acheter des pantalons. Est-il jaune ? Non, pas jaune. Non, j'ai pris du gris, j'ai pris du vert kaki, parce que j'affectionne cette couleur, bien que je n'aime pas les militaires. Et voilà. J'ai une question vraiment importante. C'est cette barbe, tu l'entretiens ? Est-ce que tu mets des produits dessus ? Alors cette barbe pousse sympathiquement depuis 4 années. D'accord. Sans aucun entretien, parce que étant pour l'écologie. Je pense que tout ce qui est pesticides, insecticides, antifongiques ne servent absolument rien dans une barbe. D'accord. Et donc elle est bio. C'est une barbe bio. Une barbe bio. Voilà, exactement. Et on avait aussi du coup Albin. Voilà. Alors moi je suis dans des tons très classiques autour du bleu marine. Mais tout à l'heure on parlait de psychologie vestimentaire. Et je tiens à souligner le fait que, comme sans frais, je ne m'habille que d'habits de récup. Et, Ça marche mieux que sans froid, je sais pas, plus stylé. Eh bien, écoute, ça mérite des applaudissements. Et du coup, parce que ça coûte pas cher, mais il a réussi à faire un truc correct. Mais le public est complètement déchaîné. Plusieurs choses sur les habits de récup, c'est que j'ai un pantalon qui me vient d'un certain Kingu Wan. Qui nous a parlé de ses froufrous. Donc. Kingu Wan, qui est une de mes inspirations vestimentaires. J'ai une veste qui me vient d'un certain Kiket. Et donc, c'est assez cool pour le souligner. Et surtout, j'ai un pull qui fait très étrange, a appartenu aux deux. Qui a appartenu dans un premier temps à Kingu Wan, qui a été bien vite trop gros pour le porter. Ensuite, ne sera-ce pas dû à la bootlegger. Qu'il a bootlegger everywhere. Bootlegger, c'est pas cher, tu peux en avoir où tu veux. Qu'il a ensuite transmis au surnommé Kikette, qu'il l'a porté également, qui me l'a ensuite transmis. Donc voilà, c'est spécial casse dédi. Ça fait des grosses casse dédi, ça fait de l'union, ça fait que mes camarades m'habillent. Voilà. Et dans la prochaine émission, nous expliquerons à qui tu vas léguer tes vêtements. C'est vrai ? Est-ce que tu as déjà un plan ? J'ai quelques plans, mais je ne vais pas spoiler la suite, évidemment. Ce sera pour une prochaine fois. Dans le prochain épisode de Web Radio Crochet, la radio fantôme. Eh bien, écoute, Michel, qu'est-ce qui se passe pour la suite, là ? Je crois que c'est bien pour la mode. Est-ce qu'on avait des brèves ? Attends, je fouine dans le peu de notes qu'on avait. J'avoue que ça tient en quatre lignes, donc je vais vite trouver. Est-ce qu'il y avait un truc qu'on avait oublié de parler ? Ah, voilà, c'est un lancement, mais tu me feras un lancement. Ce sera après la prochaine chanson. Ah, d'accord. Tu me feras un lancement en bonne et due forme. Mm-hmm. Et on va se mettre à l'international. On va parler des vraies choses. Carrément. Politique internationale ? Carrément, rien à foutre des experts et tout. Des experts en pagaille. Ça va chier. Eh bien, écoute, si on est à parler privilèges, j'ai une chanson qui me vient en tête. Ouais. Les Idols, White Privilege. Benny, s'il te plaît. How many optimists does it take to change a life bulb? None. The butler changes the light bulb. Always poor, never born. The SLC won Timmy's student loan back. He'd happily oblige, but he's used it all on gack. Always poor, never born. One miscarriage, two abortions, one degree, seven jobs. Sally danced the socks off as Jesus sobbed. Always poor, never born. I couldn't dance with another, 'cause she passed out on the stairs. Always poor, never born. Swing, bada bada bada, swing, bada bada bada, swing, bada bada bada, swing. Compensate with humor, or if really bored, then sing. Always poor, never bored. Swing, bada bada bada, swing, bada bada bada, swing, bada bada bada, swing. Compensate with humor, or if really bored, then sing. Always poor, never bored. Ah! Yeah, that's where the sun goes, yeah. Yeah, that's where the sun goes, yeah. Yeah, that's where the sun goes, yeah. Yeah, that's where the sun goes, yeah. Yeah, that's where the sun goes, yeah. Yeah, that's where the sun goes, yeah. Sans transition, la blague à deux on. La blague à deux on. Alors, cette semaine, pour vous, j'ai une petite blague, elle est bien marrante. Alors, c'est un entrepreneur qui vend des fruits. Donc le mec, il est OP, il vend des fruits à bloc et tout, et ça fait longtemps qu'il vend la même variété, et le mec, ça le fait chier, quoi. Le mec, il veut une nouvelle variété de pommes. Donc il va chez les Chinois, il va voir les Chinois et... Il arrive dans une usine de pommes et il fait « Bon bah voilà, moi, la pomme, goût pomme, bah, ça commence à un peu m'emmerder, donc j'aimerais bien proposer autre chose à mes clients. » Donc le chinois, il lui fait bah, pas de problème, monsieur, pas de problème. Nous, on fait tous les goûts de la pomme. On fait tous les goûts. Là, j'ai une pomme, c'est cassis raisin. Donc le mec, il fait cassis raisin, une pomme. Bah, vas-y, bah, j'ai envie de goûter. Donc le mec croque dans la pomme, il fait putain, mais ce goût de cassis, mais c'est formidable. Formidable. Mais par contre, c'est quand même bizarre, c'est que je sens pas le goût du raisin. Il fait oh bah, tu tournes dans la pomme, tu tournes dans la pomme. Le mec tourne la pomme, il croque. Oh, ce goût de raisin, c'est formidable. Mais alors, avec tous ces goûts, on peut faire des pommes avec des goûts formidables. Ouais, tout à fait, monsieur, on peut faire des goûts avec des goûts formidables, des pommes avec des goûts formidables. Donc il fait, mais alors moi, j'aimerais bien une pomme goût chatte. Il fait, oh, pas de problème, moi, je fais des pommes goût chatte, je les fais les pommes goût chatte. Et donc, il lui donne une pomme. Et le mec croque, il fait, oh, mais putain, mais ça a le goût de merde. Il fait, oh, tu tournes la pomme, tu tournes la pomme. C'était la blague à deux ans. La blague à deux ans. Voilà les copains, donc oh on enchaîne God. Après cette bonne blague sur un bon Adrian Young and the Delphonics, Stop and Look. Continue dans le romantisme. Je sais pas, vous aviez prévu un petit programme, mais du coup... Breaking news. Vient d'avoir une petite blagounette, et du coup, ça me donne envie de discuter, de débattre vite fait avec vous sur l'humour, finalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, de courants politiques qui disent ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est d'avoir des postures qui sont, comme on dit, entre guillemets, non oppressives, c'est-à-dire qui n'écrasent pas des minorités ou quoi que ce soit. Donc là, il y a une blague où un des trucs, c'était d'imiter la population asiatique. Apparemment, on a eu beaucoup de plaintes au standard, Benny. Non, mais en vrai qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, juste là, autour de la table, qu'est-ce que... Le fameux... En fait, c'est le fameux, un peu l'espèce d'éternel débat de est-ce qu'on peut rire de tout, le truc de liberté d'expression, ça peut déraper sur du Dieudonné. Là, il est 1h48, c'est le moment de se faire plaisir. Eh bien, écoute, je vais prendre la main parce qu'apparemment personne ne veut se lancer. Non, c'est pas le cas. On cherche la bonne vanne en fait. Non, mais. On était tous polis. Je vais dire le truc un peu classique, un peu pourri, mais qui me paraît quand même assez vrai, c'est bah, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je pense qu'il. Il faut s'en placer. Non, le problème, je pense que dans l'humour, il faut pas. Nous, on aime bien l'humour un peu gras, un peu hardcore, mais c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. Et il faut aussi comprendre que tout le monde n'a pas la même sensibilité. Et après, il y a aussi la question de répétition. Quand l'humour s'acharne un peu sur un sujet, alors n'importe, hein, les Arabes, les Juifs, les riches, les pauvres riches, sur qui on s'acharne, les pauvres millionnaires, attends. Enfin, en général. Non, je pense qu'en fait, on peut vraiment rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Il faut connaître juste la sensibilité des gens. Mais là, t'es à la radio, t'es avec tout le monde. Tu dis ça, regarde. Tu dis ça, t'es à la radio, c'est vraiment l'endroit où on va faire un petit deuxième breaking. On est à combien d'auditeurs là, par exemple, pour voir. On est dans le monde entier là. Là, tout de suite, il y a 38 auditeurs. 38 personnes, 38. Et on se stabilise. On se stabilise. 38, c'est un accès à tout le monde. Donc là, on pourra un peu se dire, ouais, il y a tout le monde, donc on fait aucune blague qui vexe tout le monde, personne. Alors moi, j'en ai une. C'est donc un Chinois. Une gouine. Ah bah carrément. C'est les meilleurs. Ah, mets les pieds dans le plat, vas-y. T'en regardes pas. Un PD. Hein, parce qu'on va faire des trucs qui choquent tout le monde comme ça. C'est un attentat microphoné. C'est une façon de ne discriminer personne. Un Allemand, un Américain, un Japonais et un Marocain qui rentre dans un avion. Ça en fait du bon. Et là, le pilote, il fait... Non mais c'est une blague. Excellent. Elle est bonne. Allez, Michel, l'humour. Bah non, enfin si le débat il commençait, c'est potentiellement la blague qu'on a eue tout à l'heure. Bon, un Chinois, il a un accent. Je trouve, il t'est justement dit que effectivement quand ça s'acharne, c'est pénible. Bon là, j'ai pas vu d'acharnement, j'ai du mal à comprendre. Là. Parce qu'il y a un exemple sur genre de blague que ça offense quelqu'un, mais il faut m'expliquer. Je suis ouvert. Expliquez-moi pourquoi, là, en l'occurrence, la blague de Deon, là, celle qui était un peu fournie, là. Apparemment, beaucoup de plaintes au standard, Michel, après cette blague. Comment ça vexe, là ? Parce que bon, c'est juste un mec, il était chinois, quoi. Bah, excuse-moi, mais par exemple, je sais pas, quand t'as des gens dans ta famille, par exemple, qui ont des portraits de Jacques Chirac au-dessus de leur cheminée. Est-ce que tu peux rire de tout ? Est-ce que tu peux rire des pommes, par exemple ? Moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'était ce truc de pommes, en fait. Manger des pommes. Non, franchement. Est-ce que tu vois ça comme une critique blaguer de la campagne pommes, de Jacques Chirac? Pardon? Est-ce que tu vois ça comme une critique de oui, la voilà, campagne exactement. De Jacques Chirac? Donc, je pense que ta blague était ultra politique. En alors, fait. Je ne voulais pas déranger les électeurs de droite. Je m'excuse publiquement. Bah, moi, si je peux juste me permettre de refaire l'instant relou, si je vais faire une analogie analogique... Instant je pense que... relou. Relou. C'est un peu toujours pareil, c'est une histoire de compresseur, c'est-à-dire que étant un professionnel à la fois du son et de la psychologie, je dirais que ça dépend quelle marque t'as choisi en fait. Si t'as un électronique DBX effectivement. Et que ta sensibilité est réglée avec un ratio de 4, bien sûr que oui. Ok, allez, c'est bon, ferme ta gueule. Bah, un instant, next. Je me permets de développer, parce que le mec à ce moment-là, il arrive à encaisser à peu près tout, il fait des blagues sur tout, ils sont à l'aise, il n'y a rien qui le choque, c'est comme ça qu'est sa vie, il a son armure. Ça, c'est comme lui, il est... Mais le mec en face, il va avoir un vieux plugin. Là, le mec, il est mal réglé en plus. Ah oui. Il a une attaque qui est vachement différente au délai oui. par rapport au BPM de l'instant. Et le mec encaisse mal. Ce qui veut dire qu'à certains moments, il y a certaines personnes qui vont se trouver dans une situation, elles vont sentir une sensibilité qui va être tout de suite, bim, le limiteur, il tape dans le rouge. Tu vois, en fait, elle va taper dans le rouge à un autre dans le moment. Rouge, c'est pas bon. Le mec dit, mais ça, heurté. Donc quoi. Concrètement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, il y a certaines attitudes bah, que ça va faire taper des gens dans le rouge. Ensuite, toi, à toi de choisir à quel moment bah, tu décides que bah, soit ta blague, elle est tellement marrante que bah, au final, effectivement, on peut considérer qu'il y a un petit manque de respect. Tu t'attaques aux Asiates, en plus, c'est la dernière communauté où c'est facile, on peut y aller gratos, tu vois. Il n'y a personne qui dit rien. C'est gratos. Mais, et dans un donc, effectivement, tu t'attaques à cette communauté. Dans un deuxième pas, on voit quoi bah, la blague a défoncé, elle était marrante et elle n'était pas centrée voilà, sur cette communauté. Alors la deuxième critique, j'ai cru comprendre, c'était un truc LGBT, je sais pas quoi, le cul, tu le retournes, la chatte, je sais pas quoi. Pff. Bon, en fait, il y avait un mec, il avait envie de partir de la soirée, il a trouvé le prétexte, il est fatigué, ça c'est un autre sujet, mais moi je pense que cette histoire de compresseur, ça voilà, tout, les mecs, c'est la vie, hein. faut s'y mettre, t'es électronique. Attends, la blague, c'est pas déjà avant tout pour décompresser justement. Ah, ah Comme je l'ai dit, si la blague elle est marrante, on s'en branle que du taux de compression de l'auditeur. J'ai un bon exemple. Chacun a son curseur. Mais oui, complètement. L'autre jour, j'étais à une soirée avec des anciens collègues et tout, donc je connaissais la majeure partie des gens. Puis il y avait des nouveaux collègues, donc moi, comme je suis un ancien, tu vois, les nouveaux, je les connais pas, bref. Machin. Je fais une blague, potentiellement orientée homophobie, tu vois. Un truc à base de. Bon choix. Est-ce que tu l'assumerais ce soir? Non, mais il y a un contexte. Après, il y a un contexte. Et je le faisais notamment, comme on l'a dit, parce que je connais les gens, les anciens collègues. Dans le contexte, il m'a semblé que la blague passait. Après, si les gens pensent que je suis un gros connard, peut-être ils arrêteraient de m'inviter aux soirées. Ça, ils auraient peut-être pas tout à fait. Donc bon, là-dessus, je me permets. Sauf qu'il y a la meuf que je connais pas. Là, en fait, elle prend la mouche parce qu'elle est lesbienne. Elle le prend mal. Elle est lesbienne. Ouais, ils sont attaqués. Direct, elle prend la mouche. Bon, merde, là, je me retrouve un peu comme un con. Sensibilité. Comment réagir? Sensibilité. Est-ce qu'il faut que je m'excuse? Est-ce que je dois maintenir la blague? Est-ce que tu dois expliquer ta blague? Voilà, est-ce que je dois dire non, mais moi, la blague, je la fais pour tout le monde. Est-ce que tu es Charlie ou pas? Je m'en fous, hein, t'es homo, t'es hétéro, moi, c'est les mêmes blagues, hein, je m'en fous. Et alors, comment t'as réagi, toi? Bah, comment j'ai réagi? J'ai dit un peu un truc en substance dans ce genre-là, style, désolé, j'ai fait un truc du genre, je voulais pas t'offenser en quoi que ce soit. Mais effectivement, moi, ça me change rien. T'es homosexuel, moi, je fais les blagues pareilles pour les homos, pour les hétéros. J'en ai rien à foutre. Ça a calé l'affaire sur le moment. À la fin de la soirée, j'ai bien compris que la meuf, elle m'a pas trop kiffé. Bien, effectivement. Est-ce qu'on peut se dire, on critique tout le monde, on fait des blagues. Enfin, on fait des blagues sur tout le monde. Et du coup, on discrimine personne. Est-ce que faire une blague sur un handicapé, c'est se dire je le discrimine pas, il passe aussi dans le moulin de l'humour? Après, si on peut plus faire des blagues sur les trucs marrants, on fait des blagues sur quoi, quoi? Les gilets jaunes. Après, il y a une autre question, c'est est-ce que vous connaissez des blagues sur les hétéros, par exemple? Moi, j'ai longtemps cherché. Tout à fait. Et j'ai vraiment, vraiment galéré pour trouver des blagues sur les hétéros. Attends, t'en as une ou pas? J'en ai, mais des dégueulasses, quoi. Bah, vas-y. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Enfin, après, bon, ça commence à dégénérer en débat vraiment sérieux, mais ça, en même temps, c'est assez intéressant, je trouve. Non, mais aussi, il y a aussi le fait que l'humour un peu pato, un peu grossier comme ça, c'est on discrimine les personnes qui sont différentes. Donc la masse est à représenter et c'est la masse qui rigole de la différence de l'autre, en fait. Alors après, est-ce qu'on a le droit de rigoler ou est-ce qu'on a le droit simplement de... Et moi, je pense qu'il faut quand même réussir à rigoler de ces choses-là pour les décomplexer, tout simplement. J'ai jamais vécu la situation de handicap, même si des gens dans mon entourage sont handicapés. Mais je me dis, est-ce que j'aimerais bien, si j'étais handicapé, me faire discriminer sur l'humour ou qu'on essaye de pas me choquer, de pas me blesser, de pas me heurter? C'est difficile à répondre. C'est difficile. Moi, je pense qu'il faut juste tenir compte de la sensibilité des gens et effectivement... Lâche. Et voilà, ne pas être trop... pas être trop décalé, quoi. Ne pas être trop méchant, quoi. On met une petite musique de transition. De paix et d'amour, Penny, s'il te plaît. Qu'est-ce que je mets, les enfants? Alors, si on parle de paix et d'amour... Écoute, moi j'ai envie de mettre un petit Marco Jeray parce que bon, bah, c'est pas spécialement la paix et l'amour, mais ça va nous réunir, quoi. Voilà, fallait bien c'est casser parti. Un moment celui-là. Dans la vieille cité française existe une race de fers dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui s'en soupire, rime rêveur. Un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sort on ne sait pas où. toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa vingtième année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux, car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. De retour. Allô, oui, c'est bon, on est online. 1-2, 1-2. 1-2, c'est bon. Ok, de retour, groupe fantôme. Redis-moi le titre de l'émission, s'il te plaît. Tous bourrins. Ok, sur Radio Crochet, c'est le marathon depuis bientôt 18h. C'est la folie. 18h, putain. 18h. 18h, non, stop. C'est la folie, Michel. Putain. Benny, tu pourras aller chier un coup à la prochaine pause, n'hésite pas. Ouais, si, d'accord. Tu vas te vider un peu de tes lentilles végétariennes. Grosse dédicace à Benny. Vegan. Vegan. Nourri uniquement de lentilles et de lentilles corail, c'est un warrior. Alors, on est là avec les gens, j'ai envie de dire ce soir, tout le monde est groupe fantôme. Oh, tout le monde. Everybody. Everybody. Et on a ici un peu quand même, je sais pas comment dire, le seul, le fan club à lui tout seul, quoi. Le seul vrai, véritable public de groupe fantôme. Le véritable supporter. Le véritable supporter. Il va monter un cop bientôt. Il sent la chaussette de rugbyman. Il est à donf et il va nous parler de sa passion pour groupe fantôme. Très bien, vous êtes encore sur Radio Crochet, donc les 24 heures de la radio, comme dirait Infinite, 24 par-ci, 24 par-là, les 24 scarlats veulent du 24 carats. Alors... Ça commence par de la punch. Ma relation avec Groupe Fantôme a commencé il y a quelques années, je dirais 2-3 ans, et ça a commencé à parler de fan club tout à l'heure, et c'est à me demander si... Groupe Fantôme n'est pas fan de moi, en fait. Alors, parce que... Il y a un effet miroir, c'est vrai. La question est posée. Au bout d'un moment, je vais dans des événements publics. Dès que je me montre un peu en public, bam, je tombe sur qui ? Sur Groupe Fantôme. Par-ci, par-là, ça traîne. Effectivement. Qui te kiffe, qui vient te niquer ta sociabilité. Je vais prendre un exemple tout récent de maintenant. Je vais aux 24 heures de la radio. Bam, je tombe sur Groupe Fantôme. Incroyable. La dernière fois, vais à une fête, la fête de la ferme de Lozeray, qui a lieu tous les ans. Donc, je vais à la fête, c'était un événement très important pour moi. On arrivait avec un projet de reprendre la ferme. On avait monté notre business plan. On avait une golden proposition. Oh, attention, en toute innocence. En toute innocence, c'était la folie. J'étais avec mon équipe. C'était, c'était vraiment une soirée d'affaires. Comment dire ? Ouais, c'était là, un peu le Paris-Dakar du business, quoi. Il y a quoi ? Il y a Groupe Fantôme qui vient me casser les couilles toute la soirée. Encore eux. À la fin... Vas-y, s'il te plaît, viens faire le public. Personne ne connaît les paroles. Fais les bacs. Fais les bacs. Moi, bon, ça fait 5-6 fois que je me les coltine. Au bout d'un moment, je suis obligé de faire semblant de connaître les paroles. Je fais du yaourt sur les refrains. Évidemment. Nya, nya, nya, ouais. Les bougeux, les péquenots. Je ne me souviens plus. Bon, on a tous fait pareil. Voilà, on a tous fait pareil. On est tous allés à des concerts de rap qu'on connaît pas. On fait semblant de chanter les refrains. Est-ce que c'est par pitié ou par pure hypocrisie ? Non, clairement, à un bout d'un moment, c'est un peu par pure hypocrisie. Parce que je vois que les mecs percent. Je me dis, faut qu'on me voie avec eux au bout d'un moment. Parce que t'as senti un peu le bon filon. Tu t'es dit, il se passe quelque chose. Quand même. Gratter un les gens, ou... les gens tu vois, je vois qu'ils traînent derrière moi. Au début, je me suis dit, c'est comme la caravane, ça fait ralentir sur l'autoroute. Mais en fait, non, c'est un atout. On peut dormir dedans. On peut dormir dedans. Groupe fantôme, tu peux dormir dedans. Effectivement. C'était la morale de l'histoire, Michel. Putain, c'est bien. Donc, prochain concert, c'est à la Saint-Gingla, le 28. Bien, attends, je crois qu'on avait, on pourrait venir on voir. Avait l'animatrice qui voulait lancer, faire son propre lancement de morceau. Déjà, ce que je voulais dire, Alban, j'avais trouvé une blague hétéro. Ah, très bien. Ah. On donc, peut l'entendre. Voilà, donc c'est un mec hétéro qui rentre dans un bar et qui dit « Salut, c'est moi ». Et tout le monde se retourne et c'était pas lui. Oh là là, il était hétéro. Benny, dis-moi si les plaintes, des hétéros affluent sur le standard. Est-ce qu'on a perdu des auditeurs hétéros ? Non, tout va bien. Le standard n'explose pas par les plaintes, tout va bien. Mais les stats sont mal faites, hein. Je crois que ça ne prend pas en compte la sexualité. Ah, tu es sûr ? Dans les stats, je sais. Non. Effectivement, nous sommes tous les mêmes. Allez, nous avons avec nous une speakerine professionnelle. Alors, elle vient en direct des années 80. Alors, il faut quand même préciser qu'elle a notre playlist. Elle a notre playlist. Sous les yeux. Et elle est en train de choisir quel morceau elle veut balancer. Je vais expliquer la playlist et je vais choisir de Cypress Hill, Band of Gypsies. Cypress Hill. يا عمي يا بتاع الحشيش انا عايز حشيشه طريه استنى يا بريل ده الواجب ده عليا الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا دي الحشيشه اللي بجيبه غير الحشيشه اللي في ايديا ونستبي انا وانت ونولع الدنيا ونشرب الصفة حلوة ونسميها كايرو فور Wanna swerve with the little herb, absurd. Got you paranoid in the paragraph when I paraphrase. Got a pair of Jordans dancing on your fucking face. Paralyzed, see the paranormal. Paratroops summoned by the grandmaster as he prepares to loose. Temple doors open up, smoke billows out. Now you're hoping, what for mercy? Get your soul grilled out from another hood. You ain't really fucking with the brotherhood. Even if another could, I wish a motherfucker would. Clip it up or sip it up. Listen, I prefer to trip it up. Skip it, y'all bit the box. I can take a bigger chunk. And if I'm calling dog fingers up, don't make a move, they like triggers up. Mugs cut them up, chicka chicka one. ok, ok. Alors nous voilà de retour sur le plateau du marathon. Excusez-moi, marathon. Remets-en un petit quand même. Eh bien oui. Donc c'est toujours Groupe Fantôme en direct avec toute l'équipe. Hein, donc. Pour tous. Tous bourrins. Donc la soirée se poursuit. Ça fait déjà 2 heures qu'on est en live. On envoie du steak, on envoie du bousin. On est en train de battre le record du quid. Donc Groupe Fantôme, c'est aussi l'actualité. Parce que l'actualité, ça nous tient à cœur. Et nous, on aime en parler. Donc, avec nous ce soir, on a Michel. Michel, tu connais le Brésil, Michel ? Je connais bien. Oui, explique-nous un peu. Tu as passé un peu de temps là-bas quand tu étais jeune ? J'ai ma vie, intra-utérine. Tout à fait. Et non, donc... non, sans deck. J'ai vu tout à l'heure un truc. C'était quand même rigole-tronche. Comment tu dis le président là ? Bolsonaro. Bolsonaro. Bon, c'est les gens qui n'ont pas l'accent, ils savent pas bien le dire. Mais si. Et c'est il a fait un truc quand même rigole-tronche. Mec, il est même pas encore président. Il a réussi à foutre dehors genre 3000 médecins cubains. Attends, je vais taxer. Sanfran, envoie-moi une éponge, s'il te plaît. J'ai foutu de la bière plein sur la table. Donc, ouais, les Bolsonaro. Il chauffe la taille de l'éponge, mec. Bien, ouais, je nadège. Attends, comme il y a une pause de 2 secondes, je comprends pas. C'est quoi cette émission ? Il y a du son, des polémiques, des sujets sérieux. C'est tout ce qu'on aime. C'est comme si tu étais en train de faire une soirée avec tes potes. C'est pareil, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Donc, nous étions sur le sujet Bolsonaro. Bolsonaro. Donc, on va se concentrer un petit peu. On va essayer de recentrer le sujet. Michel, Bolsonaro. Parce qu'il y avait un lien, tout ça. Et le Brésil et tout. Ça y est, on a tout. Non, en fait, on avait fait un lien là-bas sur Carlos Ghosn. Il y avait même une Carlos Ghosn, le Brésil, tout un merdier, mais en fait, on a loupé l'enchaînement. Ouais, grave, putain. Donc, bon, alors, on l'a fait rapide. Donc, Bolsonaro et les médecins. Allez, médecins, cubains, les mecs, out. Parce que l'autre, il a été mal poli. C'est qu'à base de ça. Hein. C'est le mec, il est juste mal poli. Les mecs le prennent mal. Ils arrêtent le programme. Il dit, caralou. C'est-à-dire, peux-tu nous traduire ? Il dit un truc à base de... les médecins cubains, ils viennent nous aider, tout ça, dans les campagnes. Mais en vrai, est-ce qu'on n'est pas sûr que c'est vraiment des médecins ? Tout ça. Mais pourquoi ce refus des médecins cubains par rapport aux communistes ? Je sais pas, je crois qu'il est là pour foutre la merde, juste un truc dans le genre. Mais il a été élu démocratiquement. Alors, est-ce que... Moi, la question, je vais me faire un peu l'avocat du diable, Michel. Oui, vas-y, je t'en prie. La question que je me pose, c'est... par rapport à la vision qu'on a de ça, c'est... On se dit, le mec, c'est quand même une grosse ordure. C'est vrai qu'effectivement, il sort des grosses punchlines du genre... non, madame, vous êtes tellement horrible que je ne vous violerai pas. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est des propos qui sont quand même particulièrement choquants. Mais c'est ça, les présidences, aujourd'hui, je crois. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi un homme qui a une image aussi horrible chez nous arrive à être élu démocratiquement dans son pays ? Michel. Peut-être parce que les Brésiliens boivent un peu trop de cachasse. Ouais, peut-être qu'ils abusent un peu, ouais. C'est parce que t'es brésilien ? Ouais, j'avoue, et j'aime bien ça. Après, il y a une tendance quand même à base de présidents cons. C'est vrai qu'en ce moment, enfin, c'est un peu la mode. Enfin, il y a toujours eu, je veux dire, les mecs n'ont jamais été très finaux. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a... Mais là, je sais pas, ils tentent un truc. On pourrait presque créer un prix Nobel de la connerie présidentielle. Je crois qu'ils ont kiffé le stand-up. Et tu sais, ils veulent faire des phases, des punchlines, des trucs. Ouais, un show must go on, voilà. Effectivement. Ouais. Donc, Jabel Debbouze, président, t'as eu ? Pourquoi pas ? Et donc, lui, c'est juste à base d'insanité. Tu vois, autant Trump, il est juste con. Autant le Brésilien, il est vraiment... Fislard. Ouais, Vissla, et puis vulgaire. Je ne connais pas les Brésiliens, mais ça m'a l'air d'être un peuple fort, fort sympathique. Bah, les mecs sont cool, a priori. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre l'élection d'un mec quand même qui a l'air d'être... J'ai envie de dire, c'est un peu la jungle, hein, quand même, tu vois. Est-ce qu'on peut dire qu'il est stupide ? Ah non, il est plus que stupide, lui. Il a un truc viscéral de foutre la merde. Mais comment ces gens arrivent au pouvoir, alors Michel, selon toi ? Je sais pas, mais j'aimerais bien avoir un feu pour allumer le bédo, s'il te plaît. Tiens, Michel. Et voilà. En tout cas, il fout bien le brin. Ça fait un Brésilien de plus qui fout le brin. Ça me fait penser Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, est-ce que t'as trouvé depuis tout à l'heure, espèce de petit enfoiré d'auditeur de mes couilles, est-ce que tu t'es pris la tête à trouver un mec ? C'est vrai. D'ailleurs, sans froid. Ah oui, alors. Un Carlos qui soit connu et qui n'est pas mal tourné, et tu gagneras un CD Groupe Fantôme. Précisons quand même, Michel, que nous avons changé d'ingé son entre deux, parce que Benny enchaîne quand même depuis tout à l'heure, donc sans froid a pris la main. Sans froid, peux-tu nous donner à la fois le nombre d'auditeurs pour faire un checkpoint, et à la fois allez consulter le Facebook de la page Web Radio Crochet afin de savoir si on a eu des réponses pour notre question qui est la suivante. Donnez-nous le nom d'un Carlos qui a vécu une vie en dehors de la prison. Exactement. Sans trop de névrose bizarre. Oui, effectivement. Sans partir en couille. Alors, sans froid, s'il te plaît, les chiffres en direct. Bon, bah, je me permets d'intervenir en direct des entrailles du web, messieurs, mesdames. Bon, effectivement, alors, on a eu énormément de réponses. Le standard explose. Ça a fait péter Google. C'est la folie. Steve Jobs est dans le mal. Alors, apparemment, nous avons reçu 10 000 réponses. Non, on a mis l'algorithme de la justice en place. La legal team est sur le coup. L'huissier est maître machin chose. Je ne sais plus comment. La licra. Maître Lavelasse. La licorne. DJ Licorne. Vous remarquerez que sur le jeu des 1000 euros. Des 1000 euros, c'est le seul jeu où on ne s'est pas fait. Non, c'est des anciens francs. Oui, des francs. C'est le seul jeu où on ne s'est pas fait niquer sur l'inflation. C'est passage à l'euro. C'est hein pas faux. Ah oui, c'est-à-dire, donc, le mec qui gagne 1000 euros. Il faut nous sortir le nom en fait du Carlos en question, mais le vrai nom, c'est ça que tu veux? Bah, j'aimerais bien. Est-ce que t'en as un? Tu connais un Carlos, toi, qui s'est pas fait niquer par la justice ou par. Tu veux dire de Yvan, je sais pas quoi, Dolto? Non, lui, on a dit qu'il a mal tourné. Hein. Lui, à force de manger. Regarde la gueule des chemises. On a parlé de Carlos, le mec qui habite au deuxième. Non, on avait dit un connu, pas ton cous. Mais ouais, pas ton pote, quoi. Non, je crois que ça reste un mystère. En vérité, je vous le dis, je vous donne un indice. L'indice, c'est que c'est trop facile. Il y en a un. Bon, alors moi, j'ai une révélation et un indice. Donc sur la France on perd du public, on est en train d'en gagner sur les États-Unis les copains, on est à 23. On est à 23 auditeurs sur les États-Unis et on va donner un premier indice. Donc notre Carlos célèbre est états-unien, américain messieurs dames. Américain. Non, il n'est pas états-unien, il est américain, c'est un américain. Donc pour tous mes Américains sur le premier indice, du Diable au corps. Donc premier indice, il n'y a plus qu'un demi-album de groupe Fantôme à gagner depuis qu'on a donné le premier indice. Trois titres seulement, on vous enverra un CD coupé à la disqueuse avec un disque de 90, grain 80. Merci mesdames et messieurs. La caresse du papier de verre, grain 80. Et si on se faisait un petit jingle web radio crochet. Allez, en live. On peut le bosser en direct, se dire tu ferais quoi, je ferais quoi. Ouais. Alors, on se fait un instant jingle. Un jingle. Marathon. Alors Angel, qu'est-ce que tu ferais en jingle? Qu'est-ce qu'on met comme mot dedans? Qu'est-ce que tu ferais en jingle? On fait ensemble. Moi, je pense qu'il faut d'abord utiliser les objets qu'il y a sur la table. Profiter des objets. Bootlegger. Bootlegger, every time, everywhere. Tasse. J'ai pas une éponge. Radio, radio crochet, radio, radio crochet. Radio crochet, ça déboîte. Oh là là. Ok, c'est toujours Groupe Fantôme en direct avec toute l'équipe. C'est la folie complète ce soir. Il y a des cotillons, il y a des strass et des paillettes. Donc nous allons passer au morceau suivant. Et le morceau suivant, on était sur le Brésil avant. Oui, on était sur le Brésil. Moi, j'aime bien le Brésil, le soleil, la plage, le surf. On va se détendre. La femme. Sur la planche. Ouais, là, c'est une chanson. On sait pas s'il parle d'une femme, de la dictature. C'est pas sûr. Moi, en fait, oui, il parle de la dictature. Ouais. Balance Frito, s'il te plaît. Allez, on voit le cousin.